Andreas Salomé. Lou Andreas Salomé. Par Yves Simon. Après le philosophe Nietzsche, Lou Andreas Salomé va aimer et faire souffrir sa première vraie passion, le jeune poète Rainer Maria Rilke. Que vient-il de se produire dans le cœur et le corps de cette femme de 36 ans courtisée, désirée, adulée, qui s'est refusée à tant d'hommes ainsi qu'à leurs aventures proposées et qui s'entiche d'un jeune poète? On peut imaginer que Nietzsche, Ré, tout comme Andreas, son mari, avaient tous une quinzaine d'années de plus qu'elle, et qu'aujourd'hui, avec Rilke, elle retrouve chez un homme sa chère jeunesse, l'âge des extrêmes où elle-même connut les premiers troubles de la passion. Les aventures de type paternaliste ne l'émurent jamais, et la séduction ne fut qu'intellectuelle, comme si le besoin d'apprendre et de devenir quelqu'un l'avait emporté sur le désir de devenir une femme. Elle en joua, en profita même, puisque cela lui permettait de remettre sans cesse à plus tard le règlement de sa propre sexualité. Cette manière de rendre les armes sexuelles à presque 40 ans demeurera à jamais une énigme. Aucune lettre, aucune confidence autobiographique ne donnera le moindre éclaircissement sur ce tardif abandon à la volupté. Dans son autobiographie, « Ma vie », elle écrira « Bien qu'un de ses amis l'ait appelé une fois dans une lettre, pour plaisanter, pur Rainer, immaculée Maria, il n'y avait alors dans la nature intime de Rainer rien de cette attente à la fois féminine et enfantine. Mais déjà, une virilité qui lui était propre, une délicatesse aristocratique et quasi sacrée. Il n'y avait pas en lui de séparation entre l'esprit et les sens, mais une interpénétration des deux. L'homme parvenait encore à s'épanouir complètement et sans problème dans l'artiste, et l'artiste dans l'homme. Peu importait où l'émotion surgissait, elle était une. Quant à Rilke, c'est l'éternité qu'il croit rencontrer en la personne de Lou. Il l'exalte, se prosterne, implore sa bénédiction, souhaite ne connaître qu'elle, désire être elle, en elle. Dans un poème, il expliquait posséder un million de beffroi qui attendaient la femme qui les ferait sonner. Toutes les cloches de Rilke se mirent à sonner dans les premières semaines de cet amour. Un jour, dans bien des années, tu comprendras tout à fait ce que tu es pour moi. Ce qu'est la source de la montagne à la soifée. Ma limpide source. Quelle reconnaissance j'aurai pour toi. Je ne veux plus voir de fleurs, de ciel, de soleil autrement qu'en toi. Et le rayon de soleil qui arrive poussiéreux et unique à tes confins se transfigure et se multiplie en pluie d'étincelles dans les ondes lumineuses de ton âme. Ma limpide source. C'est à travers toi que je veux voir le monde. Du même coup, je verrai non plus le monde, mais toi seul. Toi. Toi. Au début, Lou n'est pas fascinée par les tout premiers poèmes du jeune homme. Elle les trouve certes brillants, mais alambiqués, éloignés du réel. Pour tout dire, elle les trouve beaux, sans y souscrire et se laisser émouvoir par eux. Et ce sera un des apports essentiels à la poésie de Rilke que la rigueur que Lou exigera de lui et finira par lui imposer. Qu'il ose enfin écrire simplement sur des choses simples. Côté séduction, il sait que la religion va être un terrain d'entente. Ils aiment tous deux l'Ancien Testament. Et Rilke prend plaisir à lui lire, à haute voix, les passages du Cantique des Cantiques, qui semble n'avoir été écrit que pour elle. Tu as ravi mon cœur, ma sœur, mon épouse. Tu as ravi mon cœur avec un seul de tes yeux, avec un seul des colliers de ton cou. Que ton amour est beau, ma sœur, mon épouse, et combien meilleur que le vin. Hélas, mini-dépression et grandes exaltations alternes, Rilke pouvait changer d'humeur d'une heure à l'autre. Lou s'habitue aux états d'âme de son jeune amant, mais sans cesse tentera de lui trouver des portes de sortie pécuniaires afin qu'il ne sombre jamais dans l'extrême précarité. Elle ne pouvait bien sûr imaginer ce que la vie allait réserver et offrir au jeune homme. Je pris peur pour Rainer. Il me semblait que n'importe quel genre de travail ou d'activité exercée sans aucune prétention vaudrait mieux que cette attente à vide pendant laquelle il se faisait de vains reproches. Nous avons fini par rappeler ses hésitations, pour plaisanter, la décision de devenir facteur. Il tente d'écrire des poèmes sur des choses simples. comme le lui demande désormais Lou. Après le jour, c'est l'approche de l'indicible. Sachons tous deux être souples et déliés. En allongeant mon corps, je deviens un étang. Et tu es la première rose à en surgir. Leur premier hiver amoureux se passe à Berlin, dans deux appartements différents. Elle à Schargendorf, chez son mari, et lui dans un village voisin. Il vient souvent chez eux, et Andreas ne voit là qu'un très jeune homme ne représentant aucun danger. Il aime ses poèmes et prend plaisir à ses visites. Rilke se conduit comme un parfait amant discret qui s'occupe des tâches ménagères et qui assiste Lou lorsqu'elle prépare des plats russes, le gruau et le borscht dont il se délecte. Rilke apprend à aimer la nature autrement que dans les livres. Lou est enchanté de la buée qui se forme autour de leur bouche lorsqu'ils s'embrassent. Ils se touchent, s'effleurent. À tout instant, leur corps de nouveaux amants s'embrase. Rilke pense au futur, il se voit pour toujours avec celle qu'il aime. Pourquoi le bonheur cesserait-il un jour? Il rêve, et il s'imagine avec des enfants, leurs enfants. Quand nous aurons de beaux et doux enfants, à chaque garçon je donnerai à porter une couronne, à chaque fille une guirlande. Rilke salue sa beauté, son aptitude à voir tout de haut, souverainement. J'admire ceci en toi. Cette insouciante confiance en toute chose, cette bonté qui ignore la peur. Lou sent son esprit et son corps se mêler. Ils fusionnent. Elle sait qu'ils sont plus proches que des amants, plus intimes que des gens mariés. Ils jouissent de ce monde parfait auquel ils viennent d'avoir accès. Parfois, ils sortent et dînent en ville, se rendent au théâtre, et Lou ne manque jamais de présenter son jeune amant à ses multiples connaissances. Imaginons comment a pu s'altérer la réputation de Lou dans la société littéraire berlinoise par sa relation avec Rilke, qui n'a que 22 ans. Il passe pour un innocent, ce qu'il n'est pas, tombé dans les bras d'une séductrice, sans scrupules. Bref, les ragots vont bon train, ce dont n'ont cure les deux protagonistes. C'est le travail que veut lui enseigner Lou, la rigueur. Apprendre à ne pas seulement se laisser aller à son immense talent et à ses fulgurances de surdoué des mots. Leur premier été amoureux prenant fin, l'hiver allait se prêter à la rigueur pour chacun d'entre eux. Rilke s'inscrit à l'université de Berlin et va suivre des cours sur l'histoire de l'art, l'esthétique et la Renaissance italienne. Lou, devant rejoindre le temps d'une semaine Saint-Pétersbourg pour assister au mariage d'un de ses frères, Rainer décide de passer le début du prochain printemps à Florence. Il écrira chaque jour pour Lou ses impressions de la ville sans elle, raconter au jour le jour ce qu'est une vie sans Lou dans une des plus belles villes du monde. Ce sera le journal florentin qui débute ainsi. 15 avril 1898. Si je suis assez calme et mûr pour commencer le journal que je te destine, je n'en sais rien. Mais je sens que ma joie me demeurera étrangère et solitaire, aussi longtemps que tu n'en auras pas reçu la confidence, du moins par sa consignation intime et sincère dans un livre qui t'appartienne. Brusquement, après quelques semaines, dans un accès de nostalgie sans doute, il se rapproche de l'Allemagne et se rend à Viareggio, où il va se sentir au plus près de la nature et surtout de sa bien-aimée de retour de Russie. Il croit Lou enceinte, et comme cette intuition ne peut être vérifiée, on ne peut que constater les nombreuses allusions à la maternité dans son journal florentin. Le chemin d'une femme conduit toujours à l'enfant, bien avant qu'elle ne soit mère, et longtemps après. Comment savoir si Lou a avorté pendant le voyage italien de Rilke? Celui-ci y songe, et le fait imaginaire que Lou ne veuille pas de son enfant le désespère. C'est le signe, se dit-il encore, qu'un jour elle peut me quitter, sans préambule, dépourvu des attaches profondes de l'enfantement. Après un jour de prière, un jour d'expiation, j'ai trouvé ta lettre après le dîner et j'en ai été déconcerté et effrayé. Même à présent, je suis triste. Moi qui attendais l'été avec une telle joie. Maintenant, les doutes et les soucis m'assaillent et toutes les pistes sont brouillées. Où mène-t-elle? Tout autour de moi s'est soudain assombri. Je ne sais où je suis. Je sens seulement qu'il me faut voyager parmi des étrangers, un jour et puis un autre, et un troisième avant de te rejoindre. Peut-être pour te dire au revoir. Que lui a-t-elle encore écrit ? Nul ne le saura, puisqu'une fois leur passion terminée, et d'un commun accord, ils brûlèrent la majorité des lettres de leur correspondance d'amants, ce qui ne sera pas le cas des échanges épistolaires durant leur longue et fidèle amitié, qui se poursuivra longtemps après leur séparation, jusqu'à la mort de Rilke. L'angoisse sera de courte durée, puisqu'il écrit peu de temps après. Il n'y a plus en moi la moindre inquiétude, il n'y a plus qu'une joie lumineuse. T'avoir à nouveau, ma chérie. Aguerri à la prégnance et à la force de la nature, Rilke est soumis au réel, que ce soit celui d'un amour ou celui des arbres, comme des fleurs, des montagnes et celui de la mer. Pareil à un chasseur solitaire en affût, Rilke apprend à regarder ce qui l'entoure, à écouter, à se soumettre à la réalité des choses comme celle des sentiments. On voit presque en temps réel le changement d'un jeune poète surdoué qui croyait ne devoir jamais apprendre rien de personne, sinon de l'intérieur de lui-même, confiant de sa bonne étoile et convaincu d'être, par son immense talent, différent. Les amants s'échangent, amour, idées et énergie. Comme un flux puissant qui les traverse, chacun d'eux se trouve nourri de la puissance créatrice de l'autre. À Sopot, aujourd'hui Sopot, à côté de Gdansk, en Pologne. Charmante station balnéaire auprès de la mer grise et glacée de la Baltique. Il s'attend à des bras grands ouverts pour l'accueillir, et il ne trouve en face de lui qu'une lourde avie, sans plus. Une anxiété l'étreint aussitôt. Quel est l'avenir avec cette femme? Quelle raison peut-il y avoir à l'aimer tant, si c'est pour vivre une relation où chaque instant est incertain, et en être réduit à imaginer le soir qu'il faudra se quitter le lendemain. Rilke a deux obsessions. D'une part, il ne veut surtout pas perdre Lou. D'autre part, reviennent les lancinantes questions posées sur son propre avenir d'écrivain. Pour le premier point, il est dans la situation de tout être amoureux, inquiet pour l'objet aimé. Quant à l'avenir, n'oublions pas qu'il n'a que 22 ans et qu'il n'est évidemment pas en état, malgré l'assurance qu'il a de son talent, d'imaginer le destin qui l'attend. Il a le souci d'un jeune homme de son âge, il est anxieux, et aimerait que la femme dont il a été pris le rassure, au moins sur un point, la pérennité de cet amour. Le reste, c'est son affaire. Comme si elle voulait à tout moment se réserver une porte de sortie qui puisse s'entrouvrir, lorsqu'elle le souhaite, et à l'instant qu'elle a choisi, Lou n'est pas une femme rassurante. Va toujours devant moi, ma chérie, mon unique, ma sainte, élevons-nous ensemble vers une grande étoile. Tu n'es pas pour moi un but, tu es un millier de buts, tu es tout. Une fois résolu ce problème des angoisses de son amant, elle veut occuper son poète. Pour prendre la phrase qui les faisait rire, la décision de devenir facteur, elle voit très bien Rilke en traducteur de russe, d'autant que l'intérêt en Allemagne pour tout ce qui vient de Russie va grandissant. Un poète traducteur n'est pas honteux. Et au vu des revenus que s'apprête à recevoir dans les 10 ans qui viennent, Rilke, l'idée ne paraît pas incongrue. Pour que l'apprentissage du russe se fie en douceur et dans la joie, elle propose alors à son jeune amant de les accompagner en Russie, elle et son mari, lors du voyage qu'ils se proposent de faire dans le pays natal de Lou, au printemps prochain, celui de 1899. Rainer est fou de joie. Il est tout de même plus agréable, songe-t-il, de partir en voyage avec la femme que l'on aime, découvrir un pays, son pays, fut-elle accompagnée de son mari, que de rester à se morfondre en l'attendant dans un studio de la banlieue berlinoise. C'est le 25 avril 1899 qu'il quitte Berlin pour Moscou. Lou est exactement à mi-vie, elle a 38 ans. À Moscou, un jeudi saint, la ville est fervente, transformée en une gigantesque église avec guirlandes et statues, icônes et chasubles brodées. Les paysans sont sortis de leur village pour venir se recueillir ici, chanter la liturgie et profiter de l'or et des encens du rite orthodoxe. Lou et Rilke, présensibilisés à cette effusion de tout un peuple et devant tant de dévotion et de spiritualité naïve, sont bouleversés. Ils se laissent transporter, prient et se recueillent. Leur amour se tait, ils communient. À Saint-Pétersbourg, la ville, elle aussi est en effervescence. Elle s'apprête aux festivités du centenaire de la naissance de Pouchkine. La famille Salomé les attend. Rilke est fasciné par la vénération qu'ont les Russes pour leurs écrivains et leurs poètes. Des paysans illettrés sont capables de lui déclamer de mémoire des poèmes entiers de Pouchkine, comme de Lermontov. L'amour que portera toute sa vie Rilke pour ce pays est né de cette foi palpable à laquelle il vient d'assister à Moscou la semaine précédente et à une identique mystique envers les hommes, les poètes, à laquelle il est convié aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Lou jubile de redécouvrir son cher pays à travers les yeux de Rilke qui remarque ce qu'elle ne voit plus et la ramène sans cesse à son enfance russe. Elle parlera même de résurrection pour eux deux tant Rilke va changer et le jongleur de mots qu'il était va devenir le poète que sa génération reconnaîtra. Dans le livre d'heures qu'il va se mettre à écrire dès le retour, il y aura ce poème dédié à Lou, la marque de son amour absolu et total pour elle. Crève-moi les yeux et je pourrai te voir encore. Crève-moi le tympan et je pourrai t'entendre encore. Sans pied, je puis aller vers toi. Sans langue, je puis t'évoquer à volonté. Arrache-moi les bras, je puis t'étreindre et te saisir avec mon cœur comme avec une main. Arrête mon cœur, mon cerveau battra aussi fidèlement. Et si tu mets à feu mon cerveau, alors dans mon sang je te porterai. Ce voyage russe a une conséquence inattendue. Lou a vu se redéployer sa jeunesse en redécouvrant son pays à travers le regard violet de Rainer. Ce n'est qu'aujourd'hui que je puis être ce que d'autres sont à 18 ans. Que je puis être enfin moi-même. À mi-vie, Lou, instinctivement et inconsciemment sans doute, a envie de remettre ses pendules à une nouvelle heure, celle qui commencerait bientôt sans Rainer Maria Rilke. Le voyage russe à peine terminé, il songe déjà à un second pour le printemps prochain, sans le chaperonnage d'Andreas cette fois. Il dessine sur une carte leur croisière sur la Volga, et Rainer place de plus en plus de mots russes dans ses conversations allemandes, porte une blouse de Moujik, traduit Lermontov et la mouette de Tchekhov, parvient à lire Dostoïevski dans le texte. Ils ne peuvent encore imaginer que le 19e siècle finissant est en train d'engloutir leur amour insensé. Le 20e siècle va bientôt montrer son vrai visage en sonnant la charge, avec des révolutions russes et une première guerre mondiale que personne ne voit venir. Pour l'heure, tout est calme. La vie quotidienne est envahie par de nouvelles techniques, et les guerres, les famines comme les révoltes semblent révolues et appartenir à une époque dépassée. On croit plus au progrès qu'à la Bible, et cet évangile des nouveaux croyants du siècle est chaque jour démontré par les miracles technologiques et scientifiques que la grande presse annonce. Qui, mieux que Stefan Zweig dans Le Monde d'hier, pourrait nous traduire cette quiétude béate, cette inconscience tragique du début de siècle avec pour chacun la certitude que les époques de la barbarie étaient définitivement jetées aux oubliettes de l'histoire. Lorsqu'il se rend à Moscou pour la seconde fois en mai 1900, Lou est dans une toute autre humeur que l'année précédente. Rilke a de nombreux accès de mélancolie et d'angoisse qui agissent sur sa motricité même. Il se paralyse, se fige, et il garde le regard fixe. Ce comportement tout d'excès et d'anormalité ne pouvait qu'entraver la chère liberté de Lou. L'amant Rilke devenu un fardeau, la décision est toute trouvée, s'en débarrasser. Pour cette femme pressée de s'abreuver d'existence, l'amitié certes peut durer, mais l'amour est fait pour être consommé, jusqu'à satiété, tout de suite. Puis on le jette aux orties lorsqu'il n'est plus source de jouissance ni de promesses. Toute amoureuse et aimante qu'elle est encore, elle ne veut pas devenir la garde malade de Rainer Maria Rilke. Et l'amour, lorsqu'il est entravé par des contraintes physiques, peut se révéler une corvée, songe-t-elle. De plus, la mystique russophile de Rilke qui lui permet à présent d'écrire en russe, prose ou poésie, la désapproprie de sa propre histoire. Il avait fait de la Russie sa chose, et ce zèle excessif la troubla, mais plus lui fit peur. Elle entrevit qu'il y avait là, dans son excès de soumission à une Russie plus imaginaire que réelle, quelque chose de chimérique, hors du temps. Alors qu'au cours de l'hiver, elle avait envisagé, lorsqu'elle serait à Saint-Pétersbourg, d'envoyer par télégramme à Andreas sa décision de rester dans son pays avec Rilke, la question n'est plus d'actualité. C'est même tout le contraire qui se dessine à présent dans son esprit. Interrompre prochainement sa relation avec son jeune amant. Il quitte Berlin le 7 mai, et Rilke ne le sait pas, c'est à l'enterrement d'un amour qu'il se rend. Cette fois, il décide de profiter de Moscou et y reste 3 semaines. Musée, théâtre, opéra, concert, église, jardin public, ils sont avides de couleurs, d'odeurs et de sons. Moscou est en pleine effervescence artistique, et avec des hommes concentrés autour de Diaghilev qui se révèle autant organisateur que formidable rassembleur de talents, la capitale russe se veut cosmopolite et libérale, au fait des nouveautés, à l'égal de Berlin, Vienne et Paris. Tolstoï vient d'écrire son manifeste « Qu'est-ce que l'art ?» où il se révolte contre un art divertissement voué à la surenchère dans une dextérité stérile. Ils descendent vers le sud jusqu'à la capitale de l'Ukraine, Kiev. Ils séjournent 2 semaines, descendent le Dniepr, en bateau et prennent un train qui les emmène jusqu'à Saratov, où ils entreprennent leur croisière sur la Volga. Tout semble sans limite, le fleuve est presque une mer, le ciel et l'horizon sont hors d'atteinte, les rives s'éloignent à chaque coup d'œil. Du pont de leur bateau à Aube, l'Alexandre Nevski, ils s'abreuvent des paysages russes, de villages, de champs où travaillent les paysans. Lou pense que ses rives, ses prairies, ses forêts qu'il traverse ressemblent à son esprit du moment, un pays de calme et de tumulte, un lieu de l'infini où les âmes aiment à s'égarer. Elle découvre, en même temps que son compagnon de voyage, une Russie profonde avec laquelle elle ne s'est jamais trouvée confrontée, habituée dans sa jeunesse à ne connaître que les datchas résidentielles, les lacs du golfe de Finlande et les palais de Saint-Pétersbourg. La fenêtre ouverte sur l'Occident, comme l'appelait Pushkin. Cette croisière est un long chant d'adieu muet. Lou sait qu'elle a rendez-vous avec son destin et que Rilke en est absent. L'amour, une fois consommé et consumé, le narcissisme reprend ses droits et elle sait qu'une autre vie l'attend. Les mots ne disent rien, ils restent enfermés sous le charme d'une semaine de bateau idyllique. N'était-ce pas des années, se demandera Lou plus tard, une parenthèse magique avant le grand tremblement. De là, ils regagnent Moscou, puis c'est à nouveau Saint-Pétersbourg, où ils arrivent le 6 juillet. Déception. La famille de Lou est déjà partie dans leur résidence d'été à Rongas, en Finlande. Égale à elle-même, sans souci des dégâts collatéraux qu'elle provoque, Lou décide de les rejoindre et de planter là Rilke, seul, dans la ville de son enfance. Sans nouvelles, il se sent humilié, abandonné. Se laissant aller à sa colère et à son amertume, il lui écrit une lettre odieuse. Odieuse pour qui la reçoit, la vérité pour qui l'envoie. En pleine euphorie d'avoir retrouvé sa famille, Lou déchire la lettre qui nuit à sa félicité du moment. Retour au bercail, sa mère, ses frères, la dose d'adolescence fonctionne à plein et la nostalgie est ce qu'elle est. Nietzsche, dans sa clairvoyance, avait écrit à son propos « Elle était infidèle et sacrifiait l'amitié d'un homme au suivant. » Elle-même, en grande lucidité sur elle-même, n'avait-elle pas proclamé « Je suis éternellement fidèle aux souvenirs. Je ne serai jamais fidèle aux hommes. » C'était Lou Andreas Salomé, par Yves Simon. Réalisation, Doria Zénine. Équipe de réalisation pour la rediffusion en feuilleton, Catel Guillou et Thomas Beau.